L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a publié une déclaration en signe de soutien à la communication du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, qui a précisé la politique extérieure du pays.